C'est un jeu de patience, un salon au nouvel an. L'espoir au creux de nos mains, espérant gagner son destin. Et la roue sans arrêt s'élance dans sa course du rose au gris. Du rouge au noir, elle passe de la chance au désespoir. Joue ta vie, joue ta vie, joue ta vie si tu veux la vivre. Joue ton cœur et joue ton corps. Oui, mais toujours tu dois suivre. Joue ta vie, joue ta vie, joue ta vie si tu veux la vivre. Si tu perds quand elle est finie, eh bien tant pis, mais joue ta vie. Les ennuis, ils vont et ils viennent. Hélas, les amis sont pareils. Le bonheur, le malheur s'enchaîne. Après la pluie, c'est le soleil. Non, ne cherche pas à tout comprendre, encore moins à vouloir tout gagner. Pour le peu que tu pourras prendre, il te faudra beaucoup miser. Joue ta vie, joue ta vie, joue ta vie si tu veux la vivre. Joue ton cœur et joue ton corps. Oui, mais toujours tu dois suivre. Joue ta vie, joue ta vie, joue ta vie si tu veux la vivre. Si tu perds quand elle est finie, eh bien tant pis, mais joue ta vie, joue ta vie, joue ta vie, joue ta vie si tu veux la vivre. Joue ton cœur et joue ton corps. Oui, mais toujours tu dois suivre. Joue ta vie, joue ta vie, joue ta vie si tu veux la vivre. Si tu perds quand elle est finie, eh bien tant pis, mais joue ta vie. Si tu vois quelque part un visage, si tu crois son regard et ses mots, n'aie pas peur un instant de tout perdre. Sur le tapis, pour lui, joue ta vie. Joue ta vie.